Bonsoir à tous. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Bienvenue à l'émission Le Terminus en ce vendredi 26 juillet. Le Terminus, c'est quoi? Eh bien, c'est une émission dans laquelle on vous entendait pendant une heure du rock indépendant, alternatif, grunge, shoegaze et tout ce qui gravite autour de ça. Au programme ce soir, c'est simple. La liste sera disponible à la fin de l'émission sur le CISM893.ca. Vous allez pouvoir la consulter, la liste des chansons qui va jouer. Il y a quand même beaucoup de nouveautés encore ce soir, même si on est l'été, j'avais accumulé des choses dans les dernières semaines, donc je vous les offre ce soir. On va commencer justement avec trois trucs assez récents. Tout d'abord, Joanna Gruesomes, une formation de Cardiff qui font une espèce de pop assez fuzzy peut-être. Leur premier album s'appelle Weird Sister et il va sortir le 16 septembre. On a le premier extrait qui vient de sortir, il s'appelle Secret Surprise, c'est ça qu'on va entendre, et ce sera suivi d'un autre groupe qui lance lui aussi un album à l'automne, c'est son deuxième. Je vous en parlais la semaine passée, c'est la formation Yoke qui a connu quand même des changements importants. Ils ont perdu leur chanteur qui a décidé de se consacrer à son projet personnel. Donc, on a un nouveau chanteur pour le groupe Yoke. Également, un changement de son, un peu plus shoegaze que grunge. Donc, on va entendre la chanson Rebirth de Rebirth de Yoke. Mais pour commencer, Joanna Gruesomes. We'll be right back. cascade. You daddy's got Epsom salt to help with the bruises. Mommy's got places to go, and daddy knows all he knows to replace the fuses. Ain't that the way that you like it? The Way de Divine Fits, le groupe de Dan Buckner et Britt Daniel qui lançait, excusez-moi, deux nouvelles chansons au mois de juin dernier. Donc, la chanson que vous avez entendue. Et également, il y a là-dessus aussi Chain to Love, l'autre chanson qui accompagne celle qu'on vient d'entendre, si vous avez compris. Et ben déjà, ça fait déjà un an que le premier album du groupe est sorti. Donc, j'imagine qu'on devrait peut-être entendre du nouveau matériel dans les prochains mois. Peut-être même les revoir à Montréal, parce qu'ils sont seulement venus au moment de la sortie de l'album, quelques semaines avant même, dans une petite salle. Donc, j'imagine qu'ils vont revenir de faire un tour aussi à Montréal éventuellement. Juste avant, c'était Yuck avec le premier extrait de leur deuxième album qui s'en vient. Chanson qui s'appelle Rebirth. Et on va maintenant continuer avec un autre segment musical qui va se terminer par un groupe new-yorkais, mais qui va quand même commencer par deux groupes d'Halifax. Scène musicale quand même assez prolifique ces temps-ci, beaucoup de groupes qui proviennent de là. Super intéressant, assez pop-rock par contre. On va entendre la formation Quaker Parents, mais tout d'abord le groupe Dream Friends avec Alan's Birthday à l'émission Le Terminus. We'll be alarmed. I heard it from his mouth. It went through the window, but it was meant for the couch. Keep an eye out, what's going on? As the sun sits low, squint and see it settle in your afterglow. Rush to be recovered, not a shame, but no, I want it all by my design. Grab that gorgeous arrow from your side. All by my design. C'était la formation Swearin avec Movie Star, une chanson tirée de leur tout premier album qui est sorti l'année dernière, et c'était précédé de deux groupes d'Halifax, Quaker Parents avec Get In, et ça débutait ce segment-là avec Dream Friends et leur chanson Alan's Birthday. On va continuer avec des gens qui ont un autre groupe assez long. Je vais essayer. Ça s'appelle Low Low La La Love Love Love. Et même eux, parfois, ils appellent juste ça Low La Love, un peu plus simple. Et dans les derniers mois, ils ont mis sur SoundCloud une jolie chanson qui, je crois, précède un quatrième album qui s'en viendrait plus tard cette année. Alors, on écoute la chanson Last de Low La Love à la 3 sur les ondes de CISM, le 89.3. Yeah. Oh, ça coupe assez fin, assez abruptement. Eh bien, jusqu'à 22h, c'est l'émission L'Interminus qui se poursuit. Jean-François Lusignan avec vous. Venez d'entendre le groupe de Baltimore, Room Runner, et leur chanson Bolt qui se retrouve sur l'album Adele Cities qui est sorti ce printemps. On va continuer maintenant avec Aube, des jeunes gens d'Ottawa qui font du post-punk en français. C'est quand même assez unique. Ils ont un démo de 6 chansons qui est offert sur Bandcamp et que je vous invite d'ailleurs justement à visiter. Et c'est particulier, le nom de leur Bandcamp, c'est bleunuit.bandcamp.com. Donc, allez voir ça. Et il n'y a pas vraiment d'autres infos non plus sur le groupe, donc pas de page Facebook, seulement cette page Bandcamp-là. Donc, allez directement là pour entendre des chansons. On va entendre la chanson Timonier aveugle, donc de Aube sur les ondes de CISM. vous l'aurez compris, c'était Tyvek avec Wayne County Roads de l'album On Triple Beams et c'était précédé d'un groupe de Vancouver, Vet Soft, avec Vet Match, qui se trouve sur un EP qu'ils offrent gratuitement sur leur Bandcamp, vetsoft.bandcamp.com. Et le groupe, sont, je voyais tout à l'heure, sont venus nous voir quand même à deux reprises dans le mois de juillet qui s'achève. Ils étaient dans une espèce de tournée pan-canadienne, donc à partance de Vancouver. Ils sont allés jusqu'à l'Île-du-Prince-Édouard et à l'aller et au retour, ils nous ont visités à Montréal. Donc j'imagine qu'il va falloir attendre leur prochaine grande tournée pan-canadienne pour les revoir en ville. On va continuer avec maintenant une espèce de stoner post-rock du groupe True Widow qui viennent faire sortir Circumambulation sur l'étiquette Relapse, une espèce d'étiquette sur les limites là, du métal, assez lourd en tout cas. J'ai choisi pour vous la chanson Longer donc de True Widow. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus spécial fin de rue. We'll True Widow avec Longer. Et je m'étais un petit peu mélangé. On avait entendu avant True Widow également la formation de Paris, Dread Redfall, avec leur chanson Ballade Bruyante, qui est en fait leur toute première, je crois, première chanson en français pour eux qui font habituellement une espèce de lo-fi shoegaze, là, surtout en anglais. Et ils publient des chansons depuis quelques semaines, quelques mois sur Internet. Vous pouvez aller voir ça. Je crois que c'est sur leur... ils ont un Bandcamp, dreadredfull.bandcamp.com, avec un accent français parce que c'est des Parisiens. Dans quelques instants, c'est Zika Mendes qui s'en vient avec son émission La Mi-Fi. Si vous voulez retrouver la liste des chansons qu'il a jouées pendant la dernière heure, ça va se retrouver dans quelques instants sur le CISM893.ca également pour les archives. Ça se retrouve ça sur leterminus.ca. On va finir ça ce soir avec un truc en français. Ça va être David and the Woods. David Dugas-Dion, c'est le gars... David Dugas-Dion, c'est ça le gars qui est derrière le projet. Il semblerait qu'il est en train de travailler justement sur un nouvel album pour faire suite à son album The Peace Den qui est sorti en 2011. Il devrait y avoir encore une bonne part de chansons en français sur ce nouvel album-là. Je crois qu'on devrait, selon ce que j'ai pu voir circuler sur les internets, ça devrait sortir vers la fin de l'année, début d'année prochaine. Donc d'ici là, on écoute de David in the Woods la chanson Ensemble dans mes veines. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle vendredi prochain, 21h, pour l'émission Le Terminus. Ciao, à bientôt. Je perds mon sang, il s'agit bien.